Section 13 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 13. La proposition. Le lendemain de cette journée si agitée et si pleine d'événements tragiques, Mademoiselle de Barjac entra dans un petit salon spécialement réservé à son usage, où Sœur Magloire et le chevalier avaient l'habitude de venir tous les matins prendre ses ordres. La jeune châtelaine était pâle et visiblement fatiguée, mais un changement remarquable s'était opéré dans son extérieur. Au lieu de cette éternelle amazone de taffetas vert et de ce chapeau d'homme pour lesquels, la veille encore, elle montrait une prédilection exclusive, elle portait une robe simple, mais élégante, coupée à la mode du jour. Ses cheveux étaient relevés et poudrés sous une coiffure de dentelle. La langueur maladive de ses mouvements, la mélancolie empreinte sur son visage, achevaient de rendre sa transformation complète. Au lieu de la fière chasseresse qui, le jour précédent, parcourait au galop et un fusil sur l'épaule la forêt de Mersoir, il n'y avait plus maintenant qu'une jeune fille modeste, contenue, qui, avec les faiblesses de la femme, en avait recouvré toutes les grâces. Ni la bonne sœur Magloire, ni l'honnête chevalier de Magnac ne s'attendaient à une pareille métamorphose. Ils s'étaient levés pour recevoir leur jeune maîtresse et demeuraient ébahis, comme s'ils eussent douté du témoignage de leur sens. Mais bientôt la surprise fit place au ravissement. Magnac ouvrait de grands yeux, sans songer à saluer cérémonieusement selon son usage. Il répandait sur son jabot bien blanc une pincée de tabac qui était déjà en marche vers son nez, et il murmurait à part lui. Grand air, convenance parfaite, maintien noble et décent. On ne peut désirer mieux. Mais l'admiration de l'écuyer d'honneur était trop respectueuse pour se manifester ouvertement. La religieuse fut moins réservée. « Sainte Vierge, ma chère enfant, dit-elle en joignant les mains, comme cette robe vous sied. Vous êtes belle à ravir les anges. Comme vous, voici gentiment accommodé. Vous allez donc enfin renoncer à ce vilain habit de cheval qui faisait mon supplice. J'y ai renoncé, chère sœur, vous le voyez, répondit Christine avec un sourire plein de douceur. Je porterai désormais le costume qui convient à mon sexe et à mon âge. Elle se laissa tomber sur un sofa, comme si le trajet de sa chambre au salon eût usé ses forces. Remarquant l'air effaré de ses conseillers, elle reprit d'un ton mélancolique. « Je vous étonne, je le vois, mais le changement qui s'est opéré dans mon esprit est encore plus grand que celui qui vous frappe dans mes vêtements. « Ah, mes bons amis, poursuivit-elle avec émotion, ces leçons que vous m'avez données tant de fois et que je n'écoutais pas, la réalité, c'est plus à me les répéter d'une manière cruelle. » Elle se cacha le visage dans ses mains. La sœur et le chevalier échangèrent un regard. Ils commençaient à craindre que cette transformation qui les ravissait ne coûtât bien cher à leur jeune maîtresse. « Mon enfant, dit sœur Magloire en la baisant au front, les événements d'hier ne justifient que trop ce pénible retour sur vous-même. Cependant, il ne faudrait pas se laisser abattre. Et les événements d'hier, ma bonne sœur, sont arrivés par ma faute, répliqua Christine avec accablement. Je cherche en vain à me le dissimuler. Si par la légèreté de mes actions et de mes paroles, je n'avais pas enhardi l'offense, je n'aurais pas dû recourir à de funestes extrémités. Si quelques moments plus tard, j'avais su modérer l'effervescence de mes pensées, si j'étais rentrée tout simplement au château, comme l'exigeait la prudence, je ne me fusse pas exposée, et je n'eusse pas exposé d'autres personnes à de nouveaux dangers. Tous mes chagrins proviennent de mon orgueil, de ma violence, de mon indocilité. Mais je réprimerai ces indignes penchants. Je l'ai promis, je le veux, j'y réussirai. » Elle reprit après une courte pause. « On fera disparaître de ma chambre ses armes, ses habits, tout cet attirail masculin qui ne saurait me convenir désormais. De plus, monsieur le chevalier, je vous invite à vendre Bûche, à le donner, enfin, à en débarrasser l'écurie au plus tôt. » L'esprit un peu lourd de maniaque ne pouvait suivre dans ses rapides évolutions la volonté toujours impétueuse de sa jeune maîtresse. Chaque mot de Christine jetait le brave gentilhomme dans une surprise nouvelle. « Vendre Bûche ! » s'écria-t-il en laissant tomber ses grands bras le long de son corps. « Serait-il possible ? Et quand mademoiselle voudra monter à cheval ? Je ne monterai plus à cheval, mon cher chevalier. Et puisque l'état des routes du voisinage m'interdit d'aller en voiture, je me promènerai désormais à pied, en votre compagnie à tous les deux. Mes bons amis, poursuivit Christine d'un ton attendri, en tendant chacune de ses mains à ses deux mentors, j'ai été jusqu'ici bien ingrate et bien méchante envers vous. J'ai méprisé vos conseils, si sages. Je les ai souvent tournés en ridicule. Pardonnez-moi, malgré mes torts envers vous, je n'ai jamais cessé de vous estimer, de vous aimer. » Ces paroles affectueuses touchèrent jusqu'aux larmes, maniaque et la religieuse. Le chevalier porta respectueusement à ses lèvres la main qu'on lui tendait. « Sœur Magloire !» s'écria transportée. « Cher enfant, que je suis heureuse de vous voir de pareils sentiments. Le ciel a donc enfin exaucé les prières que je lui adresse chaque jour. Toutefois, prenez bien garde, ma fille, de vous imposer tout d'un coup des sacrifices qui excéderaient vos forces. Je trouve cette réforme bien prompte et bien rigoureuse. Allons, nous reviendrons sur ce sujet, ma sœur, interrompit distraitement Christine. Mais je voudrais avoir des nouvelles de... » Elle s'arrêta fort embarrassée. « Comment se porte le blessé ? » acheva-t-elle. « Vous voulez parler sans doute, reprit la religieuse, de ce bon jeune homme, monsieur Léonce, qui vous a rendu hier de si grands services, qui vous a protégé avec tant de courage et de dévouement. Nous espérons que les agitations et les fatigues de cette cruelle journée n'influeront pas fâcheusement sur lui. Aussi, quelle folie de tromper notre surveillance, d'aller courir les bois avant que ses forces fussent revenues et que sa blessure fût cicatrisée. Je l'ai vu ce matin. Son épaule est en bonne voie de guérison, et s'il pouvait calmer son esprit troublé. Je suis heureuse d'apprendre que M. Léonce n'aura pas à regretter son dévouement pour moi, répliqua Christine d'un ton un peu froid. La journée d'hier m'a laissé bien assez d'autres remords, mais je désirais avoir des nouvelles. Il s'agit sans doute de ce gentilhomme qui s'est blessé lui-même par imprudence avec son couteau de chasse, demanda le chevalier. Personne, plus que moi, ne désire que le lieutenant de Louveterie guérisse au plus vite, et j'ai pour cela des motifs particuliers. Cependant, je dois convenir que le chirurgien n'augure pas bien de sa blessure. « Oh Dieu, ne permettra pas qu'il en meure !» soupira Christine en levant les yeux au ciel. Elle reprit bientôt. « Laissez-moi un peu, mes bons amis. Je ne tarderai pas à descendre au salon, où nous avons encore quelques hôtes. Sœur Magloire, la fille du garde, Marion Fargeau, viendra sans doute ce matin au château. Vous donnerez l'ordre qu'on l'introduise sur le champ auprès de moi. Je veux m'entretenir longuement avec cette pauvre créature. Ce sera peut-être une distraction au chagrin que j'éprouve. » Comme sœur Magloire allait sortir avec le chevalier, elle dit tout à coup : « Ah, mademoiselle, la joie de vous voir si bonne pour nous m'avait fait oublier. Le révérend père, prieur de Frontenac, m'a chargé de vous demander la faveur d'une conversation particulière. » Christine laissa échapper un léger mouvement d'impatience. Cependant, elle répondit avec douceur. « Je ne puis refuser au prieur de le recevoir. Dites-lui donc de venir, chère sœur, je l'attends. » Maniaque et la religieuse quittèrent la salle. L'un et l'autre se félicitaient de voir, dans ces dispositions favorables, impérieuse, jeune fille confiée à leurs soins. Cependant, tandis que le chevalier s'extasiait sur la docilité et la convenance de Christine, la sœur, plus clairvoyante, disait en hochant la tête « Patience, monsieur le chevalier, je n'aime pas ces guérisons si rapides. Défions-nous des rechutes, croyez-moi. Les rechutes, en médecine, sont quelquefois pires que les maladies primitives. » Et ils se séparèrent pour aller à leur devoir. Quelques instants plus tard, le père Bonaventure entrait dans le salon de Christine. Mademoiselle de Barjac, morne et abattue, était assise sur le sofa. À la vue du prieur, elle se leva, fit une révérence cérémonieuse et indiqua un siège en face d'elle, mais sans prononcer une parole. Le père semblait lui-même soucieux et fatigué. Après les compliments d'usage, il dit d'un ton grave « Vous avez éprouvé de cruels chagrins depuis quelques heures, ma fille, et je voudrais croire qu'ils n'étaient pas mérités. Mais je ne vous adresserai pas de reproches quand déjà vous paraissez sentir profondément vos torts. J'aime mieux, autant qu'il est en moi, vous aider à les réparer. » Christine remercia le prieur de ses bontés passées et exprima la volonté, bien ferme cette fois, de suivre les sages avis qu'on lui donnait. Le père Bonaventure sourit et ses traits s'éclaircirent un peu. « C'est avec une grande joie, ma fille, reprit-il, que je vous entends parler ainsi. Jusqu'à présent, il faut bien le dire, vous vous êtes souvent montrée ingrate et rebelle envers ceux que votre père vous a choisis pour protecteurs à son lit de mort. Leurs intentions ont été méconnues. Vous vous êtes révoltée contre les lois qu'ils voulaient vous imposer dans l'intérêt de votre bonheur, de votre dignité. Votre résistance a même été si opiniâtre que je me suis demandé si elle ne pouvait avoir une autre cause que la farouche indépendance de votre humeur. La situation d'une communauté catholique dans ce pays à moitié protestant est particulièrement difficile. La prospérité de notre abbaye irrite contre nous les passions mauvaises. Nos ennemis et les ennemis de notre sainte religion nous poursuivent des plus odieuses calomnies. Or, ne se pourrait-il pas, ma chère enfant, que ces calomnies fussent arrivées jusqu'à vous? Ne serait-elle pas la cause de l'éloignement, tranchons le mot, de l'aversion que vous nous avez montrée en diverses circonstances? Christine répondit, d'un ton embarrassé, que les bruits répandus dans le pays au sujet des pères de Frontenac reposaient sur des allégations trop vagues pour mériter une attention sérieuse. Et cependant, vous les connaissez, ma fille, reprit le moine avec amertume, et j'ai tout lieu de croire qu'ils ont produit quelque impression sur vous. Que serait-ce donc si ces rumeurs méprisables venaient à prendre un corps, si elles semblaient reposer sur des faits réels, incontestables, si enfin elles étaient soutenues ouvertement par des personnes puissantes? Ne seriez-vous pas la première à jeter la pierre à vos bienfaiteurs, à maudire les soins paternels dont ils ont entouré votre jeunesse? Il m'appartient donc de vous prémunir, ma fille, contre ces fausses imputations. Ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les apparences, les pères de Frontenac ont droit à votre respect, à votre amitié. » Mademoiselle de Barjac écoutait d'un air sombre, comme si ces insinuations eussent excité sa défiance au lieu de l'apaiser. Le prieur poursuivit. Laissons les éventualités qui peut-être ne se réaliseront jamais. J'avais un autre objet. En vous demandant cette entrevue, il ne m'est pas permis de prolonger mon séjour à Mersoir. Des devoirs pressants me rappellent à l'abbaye, où les infirmités de notre vénérable abbé font peser sur moi seul le poids des affaires. Malheureusement, comme vous le savez, ma présence ici n'a pu prévenir les déplorables événements de la journée d'hier. Mais, comme ils sont sans remède, je compte partir aussitôt que la santé de mon neveu le permettra, ce qui ne saurait tarder maintenant. Or, avant mon départ, je désire traiter avec vous certaines questions de la plus haute importance pour votre avenir. « Je vous écoute, révérend père, » répliqua mademoiselle de Barjac, avec un mélange de curiosité et de réserve. Le prieur se recueillit. « Ma fille, » reprit-il enfin d'un ton persuasif, « nous ne pouvons, quoique pénétrer de la gravité de notre mission, exercer sur vous toute la vigilance nécessaire. Je n'en veux pour preuve que la catastrophe arrivée hier, catastrophe dont nous devons nous efforcer de prévenir les suites, et dont nous devons surtout cacher au monde les circonstances véritables. Ces faits, ou des faits non moins affligeants, peuvent se renouveler à votre grand dommage. Il est donc urgent de mettre à l'exécution une détermination prise déjà par le chapitre de Frontenac. Vous aurez bientôt 18 ans. C'est un âge où l'on commence à discerner le juste et le bien selon le monde. Je vous dirai donc sans détour que les pères et moi, nous sommes résolus à vous marier dans le plus bref délai. » À cette notification inattendue, les traits de Christine s'empourprèrent. « En vérité, monsieur le prieur, dit-elle avec hauteur, vous et les révérends pères, vous prenez trop de soin. Si la tâche que vous avez acceptée de veiller sur moi vous semble aujourd'hui trop gênante et trop lourde, renoncez-y. Je me sens capable de me diriger, de me protéger seule. Quant à recevoir docilement le mari, qu'il vous plaira de me désigner. Je ne m'y soumettrai pas, je ne me marierai jamais si je ne suis pas libre dans mon choix. » Le prieur sourit. « reprit-il, « je vois, mon enfant, que votre volonté est loin d'être brisée, comme on le disait par vos chagrins récents. Mais pouvez-vous croire que les pères de Frontenac, dont vous avez éprouvé tant de fois la bonté et la justice, voudraient tyranniser vos sentiments? Telle n'est pas leur pensée, car ils n'ont en vue que votre bonheur. Aussi, je vous conjure de me répondre avec sincérité. Votre choix à vous, ne serait-il encore fixé sur personne? » Christine tourna brusquement la tête. « Sur personne, » répondit-elle. « Réfléchissez bien, ma fille, et qu'aucune mauvaise honte ne vous arrête. Répondez-moi, comme vous répondriez à une mère, à un confesseur, parmi les jeunes gens que vous avez pu voir ici ou ailleurs, n'en est-il pas un qui vous aurait inspiré un sentiment de préférence ?»« Non, » répliqua Christine. « C'est étrange, j'avais cru pourtant. Mais j'y songe, ma fille. Peut-être craignez-vous de laisser voir cette préférence parce qu'elle serait tombée sur une personne dont la fortune et la condition serait inférieure aux vôtres. Qu'une semblable considération ne vous empêche pas d'avouer la vérité. Nous sommes de meilleurs juges que vous-même sur la distance qui vous sépare de l'objet de votre choix. Je vous supplie donc, afin d'éviter toute conséquence fâcheuse, de vous expliquer avec franchise. » Il attachait un regard pénétrant sur mademoiselle de Barjac, qui ne pouvait dissimuler son malaise. Elle répondit avec une sorte de colère. « Je ne comprends pas, révérend père. D'où peut-vous venir cette idée? Je suis trop fière pour m'abaisser à ce point, et si un sentiment indigne de moi avait germé à mon insu dans mon cœur, j'aurais assez de force pour l'en arracher. » Le prieur la regardait toujours comme s'il eût douté de l'énergie dont elle faisait parade. Tout à coup, il changea de contenance et reprit d'un ton dégagé. « Je suis ravi qu'il en soit ainsi, Christine. Je craignais pour vous, j'en conviens, quelqu'une de ces passions frivoles auxquelles la jeunesse donne volontiers de l'importance. Puisque je me suis trompée, tout ira bien, je l'espère. » Mademoiselle de Barjac était au comble de la surprise. « Comment cela ? » demanda-t-elle. « Parce que votre cœur étant libre, vous n'aurez aucun prétexte pour refuser le parti honorable que les pères et moi nous comptons vous proposer. Quoi ? Voulez-vous ? Il s'agit, ma fille, d'un parti aussi brillant que vous pourriez le désirer. Tous nos suffrages sont tombés sur un jeune homme beau, bien fait, de grande naissance et de grande fortune, instruit, bien élevé, et certainement vous l'accueillerez avec faveur lorsqu'il vous sera présenté. Christine se leva d'un bond. « Vous vous trompez, révérend père, » dit-elle avec agitation. « Votre beau jeune homme, si riche et si parfait, me déplaira peut-être. Et pour couper court, je ne l'épouserai pas. Mais pourquoi cela, ma fille ? Eh bien, supposez que je ne veuille pas me marier, que je tienne à conserver mon indépendance. Votre beau prétendant me déplaira. J'en suis sûre. Comment le savez-vous ? Vous ne m'avez demandé ni son nom, ni sa position dans le monde, ni son caractère, ni rien de ce qui peut déterminer une résolution sérieuse. Qu'importe, je ne veux pas le connaître, je ne veux pas le voir. Tenez-vous pour averti, père prieur, et avertissez-en les autres pères de Frontenac. Je n'épouserai jamais le jeune homme dont vous me parlez. » Elle fondit en larmes, sans cause apparente. Le prieur la fit rasseoir et lui dit d'un ton caressant « Voyons, ma fille, soyez franche avec moi. Pour rejeter ainsi sans examen le parti honorable qui se présente, il faut que vous m'ayez trompé et que vous vous soyez trompé vous-même sur l'état réel de votre cœur. Convenez-en donc avec votre ami. Vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas ? Non, non. « Mille fois non !» s'écria Christine en frappant du pied. « Mais alors, quel motif ? Qu'ai-je besoin de motif ? Supposez des préjugés invincibles, un caprice, si vous voulez. »« Il est une raison que vous n'avouez pas, ma fille, » répliqua le prieur avec sévérité, « parce qu'elle part d'un sentiment honteux. Malgré vos dénégations, ces calomnies dont je vous parlais tout à l'heure ont pénétré dans votre âme et l'ont rempli de fiel. Si vous repoussez ainsi, de prime abord, le plan que vos tuteurs ont formé pour votre avenir, c'est par haine contre eux, par mépris de leur autorité. Tout ce qui vient d'eux vous est suspect, excite votre répulsion. Étrange récompense de tant de soins et d'efforts, ajouta le moine avec amertume. Fatale ingratitude que nous n'avions pas méritée. Mademoiselle de Barjac n'essaya pas de nier un sentiment qui n'était que trop réel. « Mademoiselle, » reprit le prieur avec quelque sécheresse, « le chapitre de Frontenac et moi, nous ne céderons pas à ce qui, de votre propre aveu, est seulement un caprice déraisonnable. Nous vous avons toujours traité avec indulgence extrême, et vous voyez ce que notre douceur a produit. Nous tenons de la volonté de votre père un pouvoir absolu sur vous jusqu'à votre mariage. Ce pouvoir, nous saurons nous en servir. Ne persistez donc pas dans cet esprit de révolte que je croyais dompté par les derniers événements. Il a causé assez de malheurs. Le temps est venu d'y mettre un terme. Préparez-vous à recevoir avec convenance le prétendant qui vous sera présenté d'ici à peu de temps. Si par une de ces fantaisies qui vous sont habituelles, vous cherchiez à éluder nos ordres, nous trouverions moyen de vous en faire repentir. Peut-être le prieur, en tenant à sa pupille, ce langage menaçant, n'avait-il pas prévu l'effet qu'il produirait sur elle? Christine frémissait d'indignation. Son front se crispait, ses yeux étaient flamboyants, ses narines se gonflaient. On put croire un moment qu'elle allait s'abandonner au transport de son ardente nature. Mais la volonté domina cette tempête intérieure, et pour la première fois de sa vie, peut-être, Christine de Barjac sut modérer, sinon vaincre sa colère. « Mon père, dit-elle d'une voix un peu tremblante, vous venez de vous montrer à moi, sous un jour nouveau. Tant mieux. Je préfère ces façons nettement agressives, aux façons mielleuses et hypocrites. On ne vous a pas trompé en vous affirmant que j'étais changée depuis hier. Oui, je suis profondément, complètement changée, et vous en aurez bientôt la preuve. Ne craignez de ma part aucun acte nouveau d'insubordination, aucune offense directe. J'ai le plus ferme désir, désormais, de ne pas franchir les limites de ce que vous appelez le devoir, les convenances. Je me soumettrai sans murmure à la réserve parfois puérile imposée aux filles de ma condition. Seulement, souvenez-vous bien de mes paroles, révérend père, et transmettez-les au chapitre de Frontenac. Aucune loi, divine ou humaine, ne saurait me forcer d'accepter le mari qu'il vous a plu de me choisir, et je ne l'accepterai jamais, jamais, jamais. » Elle répétait ces derniers mots avec une véhémence extraordinaire. Le prieur la contempla d'un air de pitié. « Je dois me contenter pour le moment, reprit-il, de l'assurance que vous me donnez de vivre à l'avenir en fille modeste et réservée. Le reste viendra plus tard. Vous ferez des réflexions salutaires. Vous prendrez conseil de votre raison. Et j'en ai la certitude, quand vous connaîtrez le mari que nous vous avons destiné. Je le recevrai avec politesse, révérend père, mais n'attendez rien de plus. Oui, je préférerais donner ma main au dernier vilain de mes domaines qu'à cet inconnu que je déteste déjà. Consentez seulement à le voir, dit le moine en souriant, et jusque-là, suspendez toute résolution prématurée. Mais laissons encore ce sujet, ma fille, poursuivit-il d'un ton différent, et venons à un autre qui ne sera peut-être pas moins pénible pour vous. Malgré tous nos efforts, peu de personnes, ici et ailleurs, paraissent croire que le baron de La Roche-Boisseau se soit réellement blessé lui-même à la chasse. On rapproche les circonstances, on les compare et on soupçonne déjà la vérité. Or, il y aurait danger pour votre réputation à ce que cette vérité fût connue. « Oui, oui, vous avez raison cette fois, mon père, » s'écria Christine. « Je mourrais de honte si l'on savait. Mais cet homme ne sera pas assez vil pour révéler sa propre infamie. J'espère que non, ma fille. Et je crois être sûre aussi de tous ceux qui ont connaissance de votre secret. Le plus dangereux serait peut-être ce petit bourgeois, Monsieur Legris. Mais le chevalier assure lui avoir fait une si belle peur que Legris n'osera souffler mot de ce qu'il a vu. Néanmoins, bien des circonstances peuvent mettre les oisifs et les curieux sur la voie des découvertes. Et votre horreur, fort naturelle du reste, pour Monsieur de La Roche-Poisseau, sera matière à bien des suppositions. Que voulez-vous que je fasse, révérend père? N'est-ce pas assez d'avoir reçu ce misérable ici, après son crime? La prudence et l'humanité, ma fille, vous imposaient cet acte de bienséance. Comment, aux yeux du monde, eût-on coloré votre refus de recevoir chez vous un gentilhomme qui s'était grièvement blessé à votre service? L'interprétation eût été trop facile, mais prenez patience, ma fille. Le baron quittera Mersoir aussitôt qu'il sera en état d'être transporté sans danger. Mon père, vous croyez donc qu'il en réchappera? Dieu le sait, Christine, mais il importe afin de donner le change à l'opinion publique, que vous cachiez, s'il est possible, votre légitime colère contre M. de la Roche-Boisseau, que vous affectiez même à son sujet les égards qu'un hôte malade est en droit d'attendre d'une maîtresse de maison. Il serait prudent, par exemple, que vous lui fissiez une visite à l'instant même, au su de toutes les personnes étrangères qui se trouvent encore à Mersoir. La malveillance, ainsi, n'aurait plus d'aliments. Quoi, mon père, vous désirez ? Eh bien, lors même que je n'aurai aucune raison d'éviter cet homme, la démarche que vous me conseillez ne serait-elle pas contraire aux usages reçus ? Il est des cas où l'usage doit céder à des considérations supérieures. Cette entrevue semblera toute naturelle. Et comment s'en étonnerait-on quand on vous a vu, il n'y a pas 2 jours encore, porter presque dans vos bras Léonce, mon neveu, un pauvre enfant obscur qui n'avait aucun droit à cette faveur signalée. Christine rougit beaucoup à ce souvenir. « Eh bien, soit, mon révérend père, reprit-elle, si je dois me refuser plus tard au sacrifice que vous me demanderez, je puis du moins vous satisfaire en ceci. Je vais me rendre à la chambre de M. La Roche-Boisseau. Je m'efforcerai de cacher mon aversion, mon mépris, mes remords en sa présence. Je ferai mentir ma bouche et mon visage, puisqu'il le faut. Ce sera une première et rude expiation de mes fautes passées. » Le prieur se leva. « Allons, courage, mon enfant, dit-il avec bonté. J'attends le meilleur résultat de cette démarche. Vous me retrouverez dans la chambre du blessé, et j'aurai soin que votre visite ait le plus grand nombre possible de témoins. « Décidément, Christine, ajouta-t-il en souriant, votre malheureux esprit d'insubordination commence à s'adoucir. Plusieurs fois, dans le cours de cette conversation, vous êtes parvenu à maîtriser les élans désordonnés de votre âme. Ce sont là des signes de favorable augure, et j'ai l'espoir que vous finirez par vous rendre au plus cher désir de vos amis. Mon père, ne comptez pas que jamais. Bien, bien, laissez-moi mon illusion, si c'en est une, et ne gâtez pas la joie que m'inspire votre condescendance présente. À bientôt, ma fille, que Dieu vous conseille et vous éclaire. » En même temps, il quitta la salle. Quand il fut parti, Christine demeura plongée dans ses réflexions. « Il paraît bien satisfait de cet entretien, » murmura-t-elle avec défiance. « M'aurait-il tendu quelque piège ? On assure que ce prieur est d'une habileté prodigieuse à ourdir une intrigue. Et moi, mon Dieu, comment me soustraire à ses artifices ? » De son côté, le père Bonaventure se disait, en regagnant sa chambre, « À merveille, il faudra que d'une manière ou d'une autre, elle se décide, et je suis sûre du succès. » À moins d'un de ces événements qui viennent parfois déconcerter les plus sages combinaisons humaines. Fin de la section 13, lue par Margot.